16, 6, observation, absence. Il y a un rapport. Il y a une ressemblance. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucune ressemblance. Il n'y a absolument aucun rapport. Il n'y a absolument aucune ressemblance. Notez que aucun est un mot négatif qui s'accorde en genre avec le nom auquel il se rapporte. Masculin, aucun. Féminin, aucune.